huîtres parfumées, chemisette à paillettes, pour faire sexe ouverte. Pour faire sexe ouverte. Y'a ma bande et ma caisse, on débarque en finesse, à l'assaut des gonzesses, on va flairer la fesse. On va flairer la fesse. Je passerai ma vie dans les boîtes de nuit, partager ma folie avec mes amis, avec mes amis. Vodka Sky et Ricard, faut pas y aller sans boire. Un clin d'œil au videur, c'est le cum de ma sœur. C'est le cum de ma sœur. Matez-moi quel artiste, je suis roi de la piste. Grâce à mon funky trip, je collectionne les pipes. Je collectionne les pipes. Je passerai ma vie dans les boîtes de nuit, partager ma folie avec mes amis, avec mes amis. Dans les boîtes de nuit, partager ma folie avec mes amis, avec mes amis. Je passerai ma vie dans les boîtes de nuit, partager ma folie avec mes amis, avec mes amis.